الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue l'explication du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait terminé le livre du jeûne, notamment le chapitre de Al-I'tikaf. On avait expliqué trois hadiths, le hadith de Aïcha, de Omar, et le hadith de Safiya bint Huyay, qui a pris le hadith de Aïcha radiallahu anha, le hadith numéro 204. Fadal. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها وهي تناولها رأسه. أخرجه مسلم أو البخاري ومسلم. بخاري ومسلم. وفي روايتي كان لا يدخل في البيت لحاجة الإنسان إلا لحاجة الإنسان. أخرجه البخاري ومسلم. رواه مسلم. نعم. وفي روايتي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي إن كنت لا أدخل البيت لحاجاتي ومريض فيه فما أسأل عنه وأنا مرة إلا وأنا مرة. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث عمر بن الخطاب سيغ النذر كي لابخي. تفضل حسن. أعد كنت نظرت في الجاهلية ألاقي بنظرك أن أعتكف ليلة في رواية يوم في المسجد الحرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام في الجاهلية لا أوفي بنظرك. ولم يذكر بعد الرواة ليلة ولا يوما ولا ليلة. رواه البخاري ومسلم. طيب الحديث دي صفية كي لابخي. الحديث دي صفية نبيل. تفضل. معتكفا أين؟ قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلة ثم فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي ليقلبني مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في ماذا؟ أسرع في المشي. نعم ليبا وجه في المشي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم نعم. رواه البخاري ومسلم وفي رواية معها يقلبها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، فذكر الحديث فذكره بتمامه، رواه مسلم. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج. دونك لا اون انتام لو شابيتر دو حج. قال الشيخ البسام رحمه الله كتاب الحج. الحج لغة القصد وشرعا القصد الى البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. الشيخ البسام رحمه الله تعالى دي لو ليفر دو بيلريناج. Puis il donne la définition du pèlerinage, la définition linguistique et la définition islamique. Lughatan, dans la langue arabe, al-hajj signifie al-qasd. Al-qasd, c'est le fait de vouloir. Le fait de vouloir. Wa shar'an, et la définition islamique, c'est le fait de vouloir se rendre à la mosquée sacrée afin d'accomplir des actes spécifiques pendant un temps spécifique. Donc ici, les actes spécifiques, ce sont tous les rites du Hajj pendant un moment, dans un moment spécifique, c'est-à-dire pendant les mois du Hajj que l'on verra par la suite. وابتدا المصنف بالصلاه لانها اهم اركان الدين بعد الشهادتين وثنى بالزكاه لانها قرينتها في ايات القران الكريم وثلث بالصيام لكونه يجب كل سنه ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين واخر الحج لانه لا يجب الا مره في العمر ولا يجب الا على القادرين وهم اقل من العاجزين وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة وفرض سنة 9 من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة 10 بعد أن طهر البيت من آثار الشرك. الشيخ البسامدي الأوتور c'est-à-dire الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله a commencé son livre Umdatul Ahkam par la prière, par le chapitre de la prière, car la prière est le pilier de la religion le plus important après les deux attestations. Puis, il a cité le chapitre de la zakat, car la zakat est toujours citée avec la prière dans le Coran. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Il a cité en troisième position As-Siyam, le jeûne, car le jeûne est une obligation une fois dans l'année et ont la possibilité de le mettre en pratique la majorité des musulmans. Donc quand on dit la majorité, ce ne sont pas tous les musulmans. Or la prière par exemple, ce sont tous les musulmans qui prient. Il n'y a pas un musulman qui ne prie pas. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Celui qui ne peut pas prier assis, il prie allongé, et ainsi de suite. Donc, le jeûne, il est cité en troisième position, car c'est une adoration qui est faite un mois dans l'année et que c'est une adoration que peut faire la majorité des musulmans. Et il a cité en dernier, ou il a cité après, quand on parle de ces cinq piliers, le Hajj, car le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie. Et il n'est obligatoire que pour celui qui en a la capacité. Et on verra par la suite que c'est la capacité financière et la capacité physique. وَقَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَعِ الْأُمَّةِ. Et le Hajj, son caractère obligatoire, est rapporté dans le livre d'Allah Azzawajal, et les versets sont nombreux, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths sont nombreux, et c'est l'unanimité de la communauté musulmane, et c'est également une obligation qui fait partie de ce que les savants appellent ma'loumun min ad-din bid-darura, que c'est une obligation qui est connue de tous et que personne n'est censé ignorer. Et on a souvent l'exemple comme l'interdiction de l'alcool. Est-ce qu'il y a un musulman qui sait que l'alcool n'est pas interdit? Est-ce qu'il y a un musulman qui sait que le porc n'est pas interdit? Non. De la même façon, il n'y a pas de musulman qui ne sait pas que le hajj n'est pas obligatoire. Donc c'est une chose tellement importante qu'elle est connue de surcroît. Et le hajj a été rendu obligatoire la neuvième année de la Hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'une seule fois le pèlerinage dans sa vie, en l'an 10 de l'Hijra, après qu'il ait purifié la Kaaba des résidus du polythéisme. Donc le Hajj a été rendu obligatoire en l'an 9 de l'Hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage dans sa vie. Et il l'a fait en l'an 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc pas fait le pèlerinage en l'an 9. Mais il a envoyé Abu Bakr radiallahu anhu le faire. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage en l'an 9 de l'Hijra? Alors qu'Allah lui avait ordonné. Alors que l'obligation avait été révélée. Plusieurs raisons, les savants parmi ces raisons ont dit, car à ce moment-là, l'année 9 de l'Hijra, La Mecque n'était pas une terre d'islam, c'était une terre de mécréance. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le pèlerinage dans une terre de mécréance, il n'aurait pas pu accomplir le pèlerinage comme Allah Azza wa Jal lui aurait ordonné. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a fait le pèlerinage en l'an 9, et que certains compagnons proclamaient notamment que après cette année-là, ne fera plus le pèlerinage. Un polythéiste ne pourra plus faire le pèlerinage et les gens nus ne pourront plus faire le tawaf autour de la Kaaba. Car les polythéistes avaient comme mauvaise manie de faire le tawaf nu. Notamment car ils considéraient que leurs vêtements étaient impurs. Et que lorsqu'ils arrivaient à la Mecque, il fallait que ce soit les gens de la Mecque qui le vêtissent. Et s'ils ne lui donnaient pas de vêtements, alors il devait faire son tawaf nu. C'est pour cela que le professeur Hassam a ordonné que soit proclamé cette année-là, la 9e année, que le polythéiste ne ferait plus de pèlerinage l'année suivante et que la personne nue ne ferait plus de tawaf autour de la Kaaba. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage en l'an 10 de l'Hijra, lorsque la Mecque fut une terre d'islam et non une terre de mécréance. أما فضله فقد وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة، ومنها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما حكمه وأسراره فأكثر من أن تحصى، ولا يوفيها بيانا إلا التصانيف المستقلة في الأسفار المطولة، ولنلم بنبذة منها ليقف القارئ على قل من كثر من أسرار شريعته الرشيدة وأهدافها الحميدة، فيرى أن له دينا يهدف بعباداته إلى صلاح الدين والدنيا. Puis il dit à Cheikh Al-Bassam, quant au mérite du pèlerinage, il y a de nombreux textes authentiques qui ont été rapportés pour montrer le mérite du pèlerinage. Parmi ces textes, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Huraira rapporté par le Bukhari et Muslim, le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Quant à aux sagesses et aux secrets du Hajj, ils sont bien trop nombreux pour être énumérés. Et ils ne peuvent être expliqués qu'à travers des ouvrages entièrement dédié et des ouvrages en grand nombre. Autrement dit, que celui qui voudrait énumérer les bienfaits et les secrets du Hajj, il faudrait, pour donner au Hajj son droit, écrire des livres dans ce domaine et des livres en grande quantité. Puis, Cheikh Al-Bassam dit, et nous allons citer quelques-unes, c'est-à-dire de ses sagesses, au lecteur, pour montrer le peu d'une grande chose. Parmi les secrets et les sagesses de cette législation et les buts saints qui sont voulus à travers ce pèlerinage, afin que le musulman sache qu'il a une religion qui recherche à travers les adorations, à travers ces différentes adorations, la réforme de la religion et de cette vie d'ici-bas. فهذا المؤتمر الإسلامي العظيم وهذا الاجتماع الحاشد فيه من المنافع الدينية والدنيوية والثقافية والاجتماعية والسياسية ما يفوت الحصر والعد. Puis il dit, rahimahullah, que ce rassemblement islamique immense, à savoir le pèlerinage, ce grand rassemblement qui est prêt et disponible comporte de nombreux bénéfices religieux, mondains, culturels, sociables, liés à la société, politique. Il comporte tellement de bienfaits dans tous ces domaines qu'il n'est pas possible de les énumérer. Puis il dit, أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة التي تشتمل على أنواع التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى، فمنها تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخروج من ملاذ الحياة كخلع الثياب واستبدالها بإزار ورداء حاسر الرأس وترك الطيب والنساء وترك الترفه بأخذ الشعور والأظفار، ثم التنقل بين هذه المشاعر، كل هذا بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسنة مكبرة ملبية، قد حذى بهم الشوق إلى بيت ربهم، ناسين في سبيل ذلك الأهل والأوطان والأموال والنفس والنفيس، فما ترى ثوابهم عند ربهم. إلجي رحمه الله، quant aux bénéfices du Hajj et aux sagesses du Hajj religieux, religieuse, le fait que le pèlerin accomplisse cette immense adoration qui comporte différentes formes de soumission et d'humiliation à Allah et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces formes de soumission et d'humiliation devant Allah Azza wa Jal, le fait de voyager, de dépenser son argent, de quitter la tranquillité et les délices de cette vie d'ici-bas, comme le fait d'enlever ses vêtements et de porter à la place un rida et un izar et un rida. Le izar qui est la partie qui cache le bas du corps et le rida la partie qui cache le haut du corps. Le fait de dévoiler sa tête, le fait de délaisser le parfum et les femmes, le fait de délaisser l'embellissement et le fait de prendre soin de son corps en ne coupant pas ses cheveux ni ses ongles, puis en se déplaçant entre les différents rites du pèlerinage. Tout ceci avec des cœurs craintifs, avec des yeux qui pleurent, avec des langues qui proclament la grandeur d'Allah et qui prononcent la talbiyah. Tout ceci avec cet immense désir et souhait de se rendre dans la maison de leur Seigneur, en oubliant la famille, le pays, les biens, en oubliant sa personne et en oubliant les choses qui ont de la valeur. Que penses-tu que sera leur récompense auprès d'Allah Azza wa Jal? Effectivement, le pèlerinage est une adoration où la personne adore Allah Azza wa Jal par son corps, par ses biens, et le pèlerinage est sans aucun doute l'une des adorations qui éduque le musulman à connaître sa véritable valeur et à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'enlever ses vêtements, comme le dit Cheikh Al-Bassam, et de se revêtir d'un rida et d'un izar, de deux étoffes de vêtements blancs qui rappellent plus un linceul que des vêtements. Et certaines personnes, il serait inconcevable qu'elles portent un tel vêtement si ce n'était pour le Hajj. Concevez-vous, par exemple, qu'un roi mette un rida et un izar et de se revêtir que de ces deux morceaux de tissu blanc sans rien en dessous? Le fait même de sortir, et moi ça m'est déjà arrivé pendant le Hajj, où des gens me demandent la confirmation, est-ce que vraiment on doit enlever les sous-vêtements? Je dis oui, tu dois enlever tes sous-vêtements. Tu ne portes que un izar et un rida et rien d'autre. Ça pour les hommes bien sûr. Ils demandent confirmation, rien d'autre, je ne peux pas sortir sans sous-vêtements. Tu ne peux pas sortir sans sous-vêtements, pour le Hajj tu vas sortir sans sous-vêtements. Que tu le veuilles ou non. Et ceci est une forme d'humiliation et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, comme également le fait de délaisser les parfums, de s'éloigner des femmes, de ne pas couper ses cheveux, de ne pas couper ses ongles, le fait de se déplacer, et certains déplacements ne se font qu'à pied, par exemple, d'autres se font en bus, mais difficilement à notre époque. Donc il y a des déplacements que tu es obligé de faire à pied, tu n'as pas le choix. Et tout cela, malgré que ce soit une difficulté, les pèlerins le font avec un cœur craintif. Ils le font en proclamant la grandeur d'Allah, en disant « Labbaik Allahumma labbaik » qui signifie « Je réponds à ton appel » ou « Allah, je réponds à ton appel » en ayant les yeux qui coulent de larmes, en ayant cette envie de rencontrer et de voir la Kaaba. Et combien sont ceux qui font dans larmes lorsqu'ils voient la Kaaba pour la première fois? Car c'est un lieu tant convoité pour eux, c'est un moment tant attendu dans leur vie qu'ils ne peuvent s'empêcher de fondre en larmes devant la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pèlerins, souvent, lorsqu'ils sont dans cet environnement, oublient la famille, oublient le travail, oublient les biens, etc. etc. ثم قال الشيخ البسام أما الثقافية فقد أمر الله بالسير في الأرض للاستبصار والاعتبار ففيه من معرفة أحوال الناس والاتصال بهم والتعرف على شؤون الوفود التي تمثل أصقاع العالم كله ما يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا تحاك بعلمائهم واتصل بنبهائهم فيجد لكل علم وفن طائفة تمثله. Donc ici, Cheikh Al-Bassam a d'abord cité premièrement les sagesses religieuses du Hajj. Puis il cite les sagesses culturelles. Et il dit qu'Allah Azzawajal nous ordonne de parcourir la terre afin de voir et afin de raisonner. Et nul doute que dans le pèlerinage, tu apprends à connaître les différentes situations des gens. Tu apprends, et tu as des relations avec des gens, et tu fais connaissance avec une multitude de nationalités qui représentent les différentes contrées de la planète. Et ceci, c'est-à-dire le fait de rencontrer des personnes différentes, le fait de faire connaissance avec elles, va faire augmenter ta clairvoyance et va faire augmenter ta science. Le fait que tu vois d'autres personnes, d'autres qui ont des origines différentes de toi, qui ont une langue différente de la tienne, qui ont une culture différente de la tienne, qui ont un mode de vie différent du tien, cela va te donner une vue globale et une vue, tu n'auras plus une vision qui se restera à ton pays, mais tu auras une vision générale. Et beaucoup, lorsqu'ils se rendent à la Mecque, par exemple, et ça c'est une réaction qui naît chez toute personne qui se rend dans ce lieu-là, c'est on se rend compte à quel point l'on est éloigné en France. À quel point les gens sont insouciants. À quel point les gens ne se rendent pas compte de l'égarement dans lequel ils sont. Car tu es dans cet endroit où tu vois différentes nationalités, différentes personnes, de différentes cultures qui se rendent au même moment, au même endroit, adorer un seul et même Seigneur. Lorsque tu vois des foules de personnes gigantesques qui se rendent en direction de la mosquée sacrée de la Mecque à l'heure du Fajr, c'est quelque chose qui percute. C'est quelque chose qui percute. Une fois qu'on avait fait le Hajj, on avait terminé peut-être une heure ou une heure et demie avant le Fajr. Donc nous, on sortait de la mosquée et des foules de gens rentraient. Et une personne me dit, avons des personnes là. Avons assisté à la prière du Fajr, une heure avant. Et plus l'heure du Fajr arrive, et plus les gens sont nombreux. C'est quelque chose, il faut le voir pour le croire et pour le ressentir. Lorsque tu vois autant de gens qui se dirigent à la mosquée pour accomplir la prière du Fajr, je ne parle pas des autres prières, de la prière du Fajr, que dire de ceux qui sont dans des pays non musulmans comme celui-ci, où, à la prière du Fajr, les gens se comptent sur le doigt de la main. Donc cela fait réfléchir, cela fait raisonner, et cela fait augmenter ta culture, car le fait de connaître d'autres gens, de parler avec eux, de connaître leur mode de vie, etc., augmente ta culture et te permet d'avoir plus d'objectivité dans ta vie. أما الاجتماعية والسياسية فإن الحج مؤتمر عظيم يضم وفودا متنوعة العلوم مختلفة الثقافات متباينة الاتجاهات والنزعات فإذا اجتمع كل حزب بحزبه وكل طائفة بشبيهتها ومثلوا لجان الحكومة الوحيدة ودرسوا وضعهم الغابر والحاضر والمستقبل ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم وما هي أسباب الفرقة بينهم وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة وبحثوا شؤونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس المحبة والوئام وبروح الوحدة والالتئام أصبحوا يدا واحدة ضد عدوهم وقوة مرهوبة في وجه المعتدي عليهم وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص له مميزاته وأهدافه ومقاصده يسمع صوته ويصغى إلى كلمته ويحسب له ألف حساب وبهذا يعود للمسلمين عزهم ويرجع إليهم سؤددهم ويبنون دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة رسوله وشعارها العدل والمساواة وهدفها الصالح العام وغايتها الأمن والسلام حينئذ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام إليهم فيمسكونه بأيديهم ويقوضون مجالس بنيت على الظلم والبغي ويبنون على أنقاضها العدل والإحسان وبهذا يقر السلام ويستتب الأمن وتتجه المصانع التي تصنع للموت الذريعة أسلحة الدمار والخراب إلى أن تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع وإخراج خيرات الأرض فتحقق حكمة الله بخلقه ويحل الخصب والرخاء والأمن والسلام مكان الجدب والغلا والخوف والدماء ولكن لا بد لكمال تحقيق أعمال هذه المؤتمر من لغة موحدة يتفاهمون بها وأولى اللغات بذلك لغة القرآن كما أنه لا بد من التنظيم والتنسيق والرعاية من الحاكمين وإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية فهمت جيدا أيها المسلم المؤمن أن لك دينا عظيما جليل القدر يقصد منه بعد عبادة الله صلاح الكون واتساقه لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة ولذا فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة تحقيقا للمقاصد الكريمة فرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم 5 مرات وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع وفرض على المسلمين الاجتماع في كل عام وهذا موضوع خطير طويل نكتفي منه بهذه الإشارة نسأل الله أن يعلي كلمته ويظهر دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه إنه قوي عزيز. Puis, cher Al-Bassam, donc je vous résume parce que c'est assez long. Donc, cher Al-Bassam, rahimahullah, dit quant aux sagesses liées aux faits de société et aux sagesses politiques, le Hajj est un immense rassemblement dans lequel beaucoup de gens qui ont différentes sciences, différentes cultures, qui viennent de différentes contrées, si chaque parti se réunissait et qu'il mettait en place une sorte de comité unique pour étudier la situation, leur situation passée, la situation présente, la situation future, qu'est-ce qui les retarde, qu'est-ce qui pourrait les faire avancer, quelles sont les causes qui font qu'ils sont divisés, quelles sont les causes qui pourraient les réunir, qui pourraient faire que leur parole soit unique. Ils pourraient étudier les différents sujets de leur religion, les différents sujets politiques, les sujets de société, les sujets économiques, tout ceci dans l'amitié et l'affection et dans le but de s'unir. Si les musulmans faisaient cela, eh bien, ils seraient une seule main contre leurs ennemis. Et ils auraient une force qui serait redoutée par celui qui voudrait leur faire du mal. Ainsi, leurs paroles seraient écoutées et l'on réfléchirait, et celui qui voudrait leur porter atteinte réfléchirait à 100 fois avant de le faire. C'est ainsi, c'est-à-dire profiter de ce rassemblement du pèlerinage, le fait que différentes personnalités de différents pays musulmans qui ont différentes cultures se réunissent au même endroit, au même moment. Cheikh Al-Bassem dit, si ils profitaient de ce rassemblement pour discuter entre eux, pour parler entre eux des problèmes qui existent, de ce qui les sépare, de ce qui pourrait être fait pour les réunir, etc., qui pourrait ainsi faire en sorte qu'ils soient une seule et même communauté, eh bien, s'ils font cela, nul doute que leurs ennemis les craindraient. Puis il dit, rahimahullah, et ainsi, ils pourraient bâtir un État islamique dont la constitution, na'am, dont la constitution serait le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont l'emblème serait la justice et dont le but serait la réforme générale et dont le moyen serait la sûreté et la paix. À ce moment-là, lorsqu'ils auront mis en place un État islamique comme celui-ci, eh bien, tous les regards seront portés vers eux et les rênes leur seront données. Ils pourront ainsi mettre en place la justice et la bienfaisance. Et ainsi, ils pourraient mettre en place l'aisance, la facilité, la sécurité, la paix en place de la famine, à la place des prix qui flambent, à la place de la peur et du sang qui est effusé. Et il dit, rahimahullah, que pour que ce rassemblement donne ses fruits, il a besoin d'une seule et même langue. Et cette langue serait la langue du Coran, c'est-à-dire la langue arabe. Ce serait la langue de communication. Puis il dit, rahimahullah, lorsque tu as pris connaissance des bienfaits de ces rencontres islamiques, tu auras donc pris connaissance et conscience que ta religion est une religion immense qui a pour but, après l'adoration d'Allah Azzawajal, de réformer la terre. Et le fait de se réunir est l'un des meilleurs moyens pour que la communauté soit une seule et même communauté. Pour cela, que le fait de se réunir apporte de nombreux bénéfices. Et c'est pour cela que l'islam ordonne aux gens qui habitent dans un seul et même quartier de se réunir dans leur mosquée 5 fois par jour. Et l'islam ordonne aux musulmans d'une seule ville de se réunir pendant la prière de Jumu'ah chaque semaine. Et l'islam ordonne aux musulmans de se réunir chaque année, notamment pendant le Hajj. Et Cheikh Al-Bassem dit, ceci est un sujet qui est délicat et un sujet sensible. Nous nous contenterons donc de citer cela en demandant à Allah Azzawajal d'élever sa parole et de faire triompher sa religion et ses alliés et d'humilier ses ennemis. Il est subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.